À l'occasion du 15e anniversaire de la fondation du Parti populaire pour le relèvement et la démocratie du Congo démocratique, le comité central du Parti du travail de Corée a envoyé le 30 mars le message de félicitations à son comité exécutif national. Le destinataire s'est exprimé satisfait des succès du Parti populaire pour le relèvement et la démocratie du Congo démocratique dans les activités pour l'union nationale, la stabilité du pays et le développement social et économique, malgré toutes les épreuves et difficultés. Il s'est exprimé convaincu du développement continu des relations excellentes d'amitié et de coopération nouées entre les deux parties, conformément aux intérêts des peuples de deux pays, et a souhaité plus grand succès dans les activités du Parti populaire pour le relèvement et la démocratie du Congo démocratique, visant le renforcement du parti, le développement indépendant et la prospérité du pays.